y'a qu'en Amérique que l'on fabrique des beautés comme toi. Oh Carole, j'ose à peine y croire, mais sans histoire, tu viens dans mes bras. Moi qui te voyais comme une reine, hautaine et lointaine, quoi j'ai la veine de t'avoir à moi. Il aurait suffi d'un peu de chance et de deux ou trois danses pour que tu lances ton dévolu sur moi. Oh Carole, c'est à toute allure dans ta voiture en rentrant chez toi. Oh Carole, que je puis te dire ce que désire un cœur en émoi. Mais ce n'était même pas la peine, puisque tu m'emmènes sans plus de gêne vers ton petit nid. J'espérais des mois et des semaines, mais à l'américaine, sans crinicène, t'es déjà fini.